Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, assisté de Marie-Françoise. Cette émission est diffusée en direct lundi 9 mai 2011 de 18h à 21h, en différé mardi 10 mai 2011 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Claudio. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Marie-Françoise, merci à vous Claudio qui allez réaliser cette émission. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, je dis bonsoir à ceux qui nous écoutent en direct. Aujourd'hui, lundi 9 mai 2011, premier jour de la semaine C. De la semaine D. Quelle horreur. La semaine D, comme Daniel ou Dominique, du cycle des émissions de Radio Courtoisie, et par conséquent, tout à l'heure, à partir de 19h30, nous aurons le rendez-vous politique de la réinformation. Je reçois pour l'instant Nicolas Dupont-Aignan, député maire de la ville d'Hyères, pour un entretien politique de lundi soir. Et donc, Nicolas Dupont-Aignan, vous allez nous présenter à la fois votre vision de la politique française, mais en même temps votre vision de la situation économique à travers le livre que vous venez de signer, Nicolas Dupont-Aignan, l'euro, les banquiers, la mondialisation, l'arnaque du siècle, aux éditions du Rocher. Livre percutant où vous démystifiez l'euro. Vous me disiez que ce matin il y avait dans Le Parisien une page entière, la gloire de l'euro. Eh bien, vous allez nous montrer pourquoi il ne faut pas écouter cette apologie de la monnaie unique, alors qu'elle nous asphyxie, du moins, c'est ce que vous démontrez dans votre livre « L'arnaque du siècle » aux éditions du Rocher. Pour vous interroger, je suis aidé de Laurent-Arthur Duplessis, journaliste, directeur des publications de Contribuables Associés. Et j'ai oublié de dire d'ailleurs que, mais vous présente-t-on encore, que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, peut-on le dire ? Oui, d'abord bonsoir à vous tous. Ça dépend évidemment des signatures de maire, mais vous êtes, je suppose, suffisamment confiant cette fois-ci pour penser que vous aurez les 500 signatures. On se battra pour. Je m'étais éloigné un peu du micro, mais ça n'enlève rien de la détermination. Vous avez donc publié L'arnaque du siècle et vous commencez par un exercice de politique fiction, c'est le début du livre. Vous imaginez qu'un candidat à l'élection présidentielle que vous ne désignez pas, que vous ne citez pas, je ne sais pas si c'est Nicolas Dupont-Aignan, un autre. Qu'importe. Monsieur X. Qu'importe, ou madame. Décide aussitôt élu de faire partir la France de l'euro. Alors expliquez-nous ce qui se passe dans ce scénario de politique fiction en 2012. Donc écoutez, Sarkozy est battu, Strauss-Kahn est battu, Marine Le Pen est aussi battue dans votre projet. Je signale que Marine Le Pen est comme vous, elle souhaite le départ de l'euro. Tout à fait, je ne dis pas qu'elle est battue. Écoutez, ne parlons pas des personnes. J'ai essayé de commencer mon livre par un peu de politique fiction. Et en partant d'une joie populaire qui est la victoire d'un candidat, et encore une fois, c'est pas obligatoirement moi, d'un candidat qui veut justement enfin mener une autre politique et qui annonce la sortie de l'euro. Et tout le livre explique, par un retour en arrière, comment cette sortie de l'euro est le seul moyen de relancer la croissance dans notre pays, c'est-à-dire l'emploi, et de remettre de la concorde au sein du peuple français, et je l'explique de manière très précise. Et j'essaye de démonter un à un les faux arguments avancés par ceux qui ont imposé cette monnaie à la France et qui nous nuit tellement. Oui, alors vous expliquez que c'est l'Allemagne en fait qui a profité de l'euro. Pouvez-vous nous en dire plus ? J'explique les faits parce que, vous savez, en 92, lors du référendum sur Maastricht, quand Philippe Séguin, et je travaillais à l'époque auprès de lui, expliquait pourquoi l'euro allait être une catastrophe pour la France, on le regardait de haut en disant « c'est un Cassandre ». Aujourd'hui, on a le retour de l'expérience. Je ne raconte pas, ce n'est pas une vue de l'esprit, je suis parti des chiffres, j'ai observé, je suis parti d'éléments, d'ailleurs que si de très nombreux économistes, qu'on interdit de parler dans nos médias, mais qui existent. Et je regarde tout simplement les chiffres et je constate quoi ? Je constate que l'euro, après avoir été responsable d'une dégradation du pouvoir d'achat et d'une hausse des prix sans précédent, masquée comme d'habitude, L'euro est surtout responsable d'une asphyxie économique par le fait tout simple que c'est une monnaie trop chère et que la conséquence est là, devant nous. En 10 ans, la France a perdu 500 000 emplois industriels. Quand je dis 500 000 emplois industriels, cela veut dire toute la suite, les sous-traitants. Cela veut dire des recettes budgétaires en moins pour l'État. Cela veut dire plus de dettes. Cela veut dire un déficit du commerce extérieur qui dépasse les 50 milliards d'euros. Bref, alors on me dirait, oui mais l'euro n'est pas le seul responsable. C'est vrai, je le dis d'ailleurs dans mon livre. Simplement, c'est le responsable principal. Car l'euro, surévalué d'environ 30 à 40%, est comme un poids sur tous nos exportateurs, sur tous nos producteurs. Et je crois expliquer relativement clairement dans mon livre, c'est le chapitre 2 et le chapitre 3, j'explique très précisément par quel mécanisme économique tout simple. Une monnaie trop chère pousse les entrepreneurs à délocaliser hors de la zone euro. Comment ça explique la fuite des activités de notre industrie et de notre agriculture et comment ça se paye en dette publique. J'en apporte les preuves et ce ne sont pas des preuves qui sortent de mon esprit seul. J'ai fait référence à des économistes, Jacques Sapir, Jean-Jacques Rosa, Alain Cotta, Stiglitz, prix Nobel. J'ai la liste sous les yeux. Notre cher est disparu, Maurice Allais. Bref, c'est l'évidence, c'est écrit. Tous les chiffres le prouvent, mais c'est un tabou. On n'a pas le droit de le dire en France, on n'a pas le droit de l'exprimer, c'est caché. Et donc, j'ai pris une expression populaire pour essayer d'expliquer, j'ai dit c'est comme le médiator. Je suis un peu le médecin, cette femme médecin qui, depuis 15 ans, luttait contre le médiator et qu'on faisait taire. Mais, moi, je lutte avec d'autres contre cet euro qui est en train de faire disparaître nos activités industrielles. 30% de compétitivité en moins, c'est énorme. Hein. Laurent Arthur Duplessis. Et alors, on peut se demander jusqu'à quand l'Allemagne soutiendra cet euro, puisque, comme vous dites très justement, l'euro sert avant tout les intérêts économiques allemands, qui permettent à l'Allemagne d'exporter à 60% en Europe, hein, c'est ça, 60% à peu près, et qui, par cet euro, permet de vendre à une demande qui était jusque-là solvable, la demande espagnole, grecque, etc., ces industries, ces voitures, par exemple, etc. Mais à partir du moment où la crise financière atteint des pays comme la Grèce, le Portugal, par exemple, jusqu'à quel moment l'Allemagne pensera y trouver son compte, puisque des mécanismes de péréquation financière s'installent pour venir au secours de ces États surendettés. Et ces mécanismes de péréquation financière mécontentent beaucoup l'opinion publique allemande. Et est-ce qu'à un moment donné, l'opinion publique allemande ne va pas elle-même souhaiter le retrait de l'Allemagne de l'euro ? Nicolas Dupont-Aignan. C'est une question à deux temps, et je l'explique là précisément dans mon chapitre 3, parce que j'essaie d'être... Chapitre 3 de l'arnaque du siècle, voilà. Édition du Rocher, livre chapitre de 2, Nicolas Dupont-Aignan. Je suis assez pédagogique, mais je suis un peu précis, c'est mon défaut, alors ça ne plaît pas aux journalistes du spectacle en France, parce qu'on dit, ah, Dupont-Aignan, il est casse-pied, il parle de choses écrites, machin, c'est pas de la mousse. Bon. Dans le chapitre 2, j'explique pourquoi l'euro trop cher nous empêche de vivre. L'asphyxie économique. On a connu ça, je reviens là-dessus parce que c'est important. Dans toutes les périodes historiques où un pays a eu une monnaie trop chère pour lui, ça a été la catastrophe économique, sociale et politique. Et vous avez un exemple très précis, c'est la France de Laval, pas de Laval pendant la collaboration, du Laval président du Conseil avant 1932. 36, voilà, qui a abandonné la politique de Poincaré et qui a eu une monnaie trop chère, qui a abouti au Front populaire. Il faut être clair. Effondrement industriel, révolte sociale, Front populaire, ensuite rebelote, effondrement, etc. Donc on ne peut pas comprendre l'entre-deux-guerres en France si on n'analyse pas la politique de Laval de monnaie surévaluée. Vous pourriez ajouter, c'est un exemple étranger, mais l'exemple de Churchill, ministre des Finances, qui a voulu ramener après la guerre la livre à sa parité or d'avant la guerre et qui a créé une situation économique épouvantable, donc, avec un chômage énorme avant la crise de 1929. Si j'insiste là-dessus... C'est parce que moi j'entends souvent, et les auditeurs, je suis sûr qu'il y en a certains qui m'écoutent et qui disent « Oui mais monsieur Dupont-Aignan, pourquoi l'Allemagne s'en sort et pourquoi nous on s'en sort pas ?» Je voudrais expliquer qu'une monnaie c'est comme un groupe sanguin. On doit avoir une monnaie qui correspond à notre économie. Et si vous avez une monnaie trop faible pour votre économie, vous êtes en surchauffe. Si vous avez une monnaie trop chère, vous êtes en asphyxie. Et une monnaie qui correspond à l'Allemagne, l'euro, permet à l'Allemagne de s'en sortir. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne n'a pas la même structure industrielle Quand elle vend un produit de luxe ou une machine-outil, l'effet prix ne compte pas. Quand nous, on vend un parfum ou un foulard, ou etc., l'effet prix compte. Premier point. Et deuxième point, il y a une chose que personne ne dit sur l'Allemagne, que j'explique là-dedans, c'est que l'Allemagne est en suicide démographique. Et je répète ça partout, parce que s'il y a un seul chiffre que je voudrais que nos auditeurs entendent, c'est le chiffre suivant. Il y a 8 millions d'écoliers en Allemagne, jusqu'au niveau bac. Il y en a 12 en France. Vous vous rendez compte? Pour un pays qui a beaucoup plus d'habitants en Allemagne. 8 millions d'écoliers en Allemagne, 12 en France. Vous comptez les écoliers turcs? Je compte tous les écoliers. C'est très important. Pourquoi? Vous avez une Allemagne qui est en train de se suicider démographiquement, comme la Russie. C'est-à-dire que la population allemande commence de décroître. Et vous avez un pays, la France, qui a une population en augmentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir la même politique économique. L'Allemagne peut se permettre une monnaie chère, elle est dans un réflexe de rentier. La France doit offrir de l'emploi à cette jeune génération. Et si on ne comprend pas cette différence démographique, on n'a rien compris. J'ajoute que la politique nataliste française, politique familiale, coûte cher. Elle coûte plus d'un point ou deux de PIB. Donc quand on dit les Allemands sont plus sérieux que nous, les Allemands font des économies, ah oui, mais les Allemands n'ont pas de politique familiale à payer. Ils ont moins d'étudiants et d'écoliers dans leurs écoles, donc ça coûte moins cher. Et ils n'ont pas de politique de défense nationale. Alors après, quand on nous dit qu'il faut faire la même dépense qu'en Allemagne, c'est strictement impossible. Donc j'insiste là-dessus pour dire que dans cette affaire, l'Allemagne profite d'un euro surévalué qui tue toutes les industries des autres pays d'Europe, sauf la sienne. Ce faisant, elle exporte dans toute l'Europe, elle a un excédent, et elle fait son gras, pardonnez-moi, sur les autres pays. Et le problème que vous souleviez il y a un instant, et j'y viens maintenant, désolé d'avoir été peut-être un peu trop long, c'est qu'elle a gagné des parts de marché en Espagne, en France, en Grèce, partout. Et ces parts de marché, elles étaient payées comment? À crédit. Comme en France d'ailleurs, les déficits. Et puis il y a un moment, à force d'utiliser les crédits, eh bien on s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que la Grèce vient pleurer en disant « je suis en faillite ». Il n'y a qu'une solution pour redresser la Grèce. Une seule. La sortie de l'euro pour dévaluer sa monnaie, avoir des touristes qui reviennent, revendre son huile d'olive et redémarrer. Mais Laurent, comme on est dans le dogme, on dit à la Grèce « non, faut pas que vous sortiez, donc on va vous donner de l'argent ». Et il y a un moment où les Allemands, mais aussi les Français, s'ils n'étaient pas, parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup d'articles sur l'euro, en France, il n'y en a aucun. Les Allemands et les Français, à un moment, vont commencer à réfléchir. Et je prends un exemple dans ce livre. En une nuit, le Parlement français a voté 17 milliards d'aides à la Grèce. 17 milliards. C'est l'argent de la réforme des retraites qu'on a mis 6 mois à voter. C'est-à-dire que d'un côté, le gouvernement a lancé la réforme des retraites pour économiser 20 milliards. Ça a mis 6 mois. Et de l'autre, il a dépensé d'un coup 17 milliards d'euros pour venir en aide à la Grèce, pas pour aider le peuple grec, encore une fois, pour rembourser les banques européennes qui avaient acheté des titres grecs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise l'argent du contribuable, qu'on essore d'un autre côté, pour aider des banques qui ont pris des risques inconsidérés sur une dette grecque. Mais ce n'est qu'un cas particulier de ce qui se passe depuis 2008 partout dans le monde, et d'abord aux États-Unis, où on a demandé aux contribuables de payer pour les banques. Tout à fait. Et là, et aujourd'hui, il faut quand même savoir ce qui s'est passé ce week-end. Ce week-end, les Allemands ont compris que la Grèce devait sortir de l'euro. C'est une évidence. Mais le gouvernement français est dans le non-dit, le déni de réalité. Donc on rajoute 25 milliards d'euros au pot. Ce qui va faire pour la France 20% de 25 milliards, puisque à chaque fois que les Français, il faut que nos auditeurs le sachent, quand ils entendent plan d'aide européen de 78 milliards pour le Portugal, prennent une calculette, c'est 20% la part française. Et je lisais dans Le Figaro, qui ne parle jamais de ça, bien sûr, je lisais quand même un petit entrefilet, extraordinaire, hier ou avant-hier, le déficit français se creuse en raison du prêt à la Grèce. Ça veut dire que on supprime des enseignants dans les écoles. On supprime des policiers dans les commissariats. On est en train de mettre en place une politique de rigueur budgétaire et qui peut être justifiée dans certains cas, mais pas à ce point. Et en même temps, on va dépenser des milliards pour sauver une monnaie qui n'est pas sauvable, en fait, pour aider les copains qui sont, on dirait, présidents de banque. Oui, pardonnez-moi. Et puis pour sauver l'euro, parce qu'il faut, sauver l'euro. Alors, sauver l'euro. Je vais donner quelques illustrations aux auditeurs de Radio Courtoisie, tirées de votre livre, Nicolas Dupont-Aignan, L'arnaque du siècle aux éditions du Rocher. D'abord, vous remarquez que de grands économistes, de bons économistes, d'excellents économistes, depuis longtemps, ont dit que l'euro n'était pas viable à long terme. Et vous donnez la liste, page 62 de votre livre, une liste partielle évidemment, Jean-Jacques Rosa, Jacques Sapir, Alain Cotta, Michel Alietta, et deux prix Nobel, Maurice Allais et Joseph Stiglitz. Alors les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien en particulier Jean-Jacques Rosa, que j'ai reçu d'ailleurs moi-même dans mon émission, et Alain Cotta qui est très régulièrement invité, notamment le mardi soir, dans le libre journal des pionniers de la France libre, des pionniers de la radio libre. Et donc, tous ces économistes ont démontré de longue date que l'euro n'était pas viable. Et vous les expliquez très bien. Pourquoi l'argument de base, dites-vous, c'est parce que, c'est page 42 de votre livre, L'arnaque du siècle, l'Europe n'est pas une zone monétaire optimale. Alors je vous lis. À la base, l'Europe n'est pas ce que les économistes appellent une zone monétaire optimale. Il faut deux critères pour déterminer un espace géographique apte à partager la même monnaie. D'une part, la mobilité générale des travailleurs, d'autre part, un budget central permettant d'aider les régions en perte de vitesse. La zone euro ne répond à aucun des deux. Bon. Je dois dire d'ailleurs que pour un économiste rigoureux et indépendamment des facteurs politiques, il n'est pas sûr que l'Allemagne réunifiée fût une zone monétaire optimale. Que l'Italie, réunifiée depuis plus d'un siècle, soit une zone monétaire optimale, et même les États-Unis, tout à fait, qui sont immenses, mais a fortiori, évidemment, l'Europe... Mais à la rigueur, on peut considérer que l'Allemagne de l'Ouest peut se payer l'Allemagne de l'Est. Ça a coûté très très cher. Alors honnêtement, sur la planche, non, je pense que la décision de Kohl a été politique, de créer une monnaie unique et de la créer était sans doute nécessaire sur le plan politique. Le taux de parité qu'il a choisi était totalement démagogique et déraisonnable. Et les difficultés d'Allemagne de l'Est qui perdurent sont dues en grande partie à cette décision folle de convertir le mark de l'Est pour un pour un en mark de l'Ouest. Mais Henri Lesquin, il y avait 20 millions d'habitants en Allemagne de l'Est et 60 en Allemagne de l'Ouest. Donc on peut considérer qu'ils ont payé énormément d'impôts pendant 10 ou 20 ans. Mais imaginez dans l'autre sens, c'est pas les 80 millions d'Allemands qui pourront payer et qui refuseront de le faire, à juste titre d'ailleurs, le reste. Pour l'instant, les Allemands sauvent l'euro parce qu'ils y gagnent. Et ils savent que si les autres sortent de l'euro, immédiatement il y aura une dévaluation compétitive, ou plus exactement, le mark se réévaluera naturellement et que ça compensera les choses. Mais en même temps, ils ne veulent pas payer pour ceux qui sont en faiblesse de compétitivité. Et donc, ils sont tiraillés. Et on le voit très bien. Ce qui est paradoxal, c'est nous. Oui, c'est que la France, elle, continue à se faire plumer, Nicolas Dupont-Aignan, et à voir son tissu industriel se saborder. Oui, mais alors, c'est attendez, du masochisme, là. Vous dites vous-même, Nicolas Dupont-Aignan, qu'en raison de cette politique de compression des salaires, le coût du travail a progressé de seulement 5% en Allemagne entre 2000 et 2010, contre 26% en France et plus de 40% en Espagne ou en Grèce. Alors si je me fais l'avocat de l'euro un instant, oui, l'avocat du diable, j'ai envie de vous dire, mais la solution c'est de faire comme les Allemands, c'est-à-dire de comprimer les salaires. Alors je vous répondrai une chose très simple. Le problème c'est de savoir si on peut faire mieux que les Allemands. Bien sûr qu'on peut être plus vertueux, et moi je suis pour qu'on soit plus vertueux. Simplement, est-ce qu'un Français est un Allemand ? Non. Est-ce qu'un Grec est un Allemand ? Non. Alors on dit, je raconte dans mon livre, à la fin de mon livre, une scène surréaliste avec Madame Lagarde, où je lui dis, Madame Vous n'avez pas l'air d'aimer Madame Lagarde. Non, parce que je n'aime pas la... Comment dire ? Molière s'est beaucoup moqué des sachants dans ces pièces, et bien c'est exactement ça. C'est-à-dire que derrière un vernis de compétences, il y a beaucoup d'incompétences. Et beaucoup de suffisance. Et beaucoup si de suffisance. Si et je dis à Madame Lagarde, bon, admettons que vous ayez raison. Et elle vous a répondu, Lagarde meurt mais ne se rend pas. Presque. Elle m'a répondu, je lui ai dit, écoutez, expliquez-moi. Les prix, les salaires en Allemagne ont augmenté de 5% en 10 ans. En Grèce, de 40%. Donc vous voyez bien que la Grèce ne peut plus rien exporter. Donc elle est en faillite. Donc, pour réussir, il n'y a que deux solutions. Soit vous dévaluez la monnaie de 40%, soit vous baissez les salaires de 40%. Expliquez-moi si dans l'histoire, il y a eu un pays qui a réussi à baisser ses salaires et ses prix de 40% en un an. Expliquez-moi. Alors, elle me regarde, elle me dit, je ne sais pas. Je lui dis, si, une guerre, et encore. Et encore. Donc, est-ce qu'on peut souhaiter à la Grèce les conséquences d'une guerre de 10 ans, c'est-à-dire il faut bien voir une contraction totale de sa richesse de moitié. C'est impossible. Impossible sans impossible. Révolution, impossible. Sans drame. Impossible. Impossible. Impossible. Donc, comment vous allez faire? C'est-à-dire que vous mettez sous respiration artificielle la Grèce. Vous lui donnez des poissons, mais vous ne lui reprenez plus à pêcher, puisqu'elle n'a plus la compétitivité. Alors, je sais que ce sont des matières complexes, mais il faut bien comprendre qu'un pays... pour vivre, a besoin de pouvoir vendre ses produits. Nicolas Dupont-Aignan. Les tourismes en Turquie. Nicolas Dupont-Aignan, c'est un problème complexe, mais l'économie. C'est très simple. A des aspects simples. Les salaires sont un élément du coût des marchandises, évidemment, du prix de revient des marchandises. Lorsque les salaires augmentent de 40%, évidemment, on a plus de mal à exporter. Voilà. C'est assez clair. Alors on peut tout... Et il faut pouvoir, à ce moment-là, si on a laissé gambader les salaires, laisser la monnaie se dévaluer. On ne peut pas laisser la monnaie se dévaluer ou se déprécier lorsqu'il y a une monnaie unique. Exactement. Voilà. Et ce que j'explique dans mon livre, parce que souvent on me dit « Oui, mais alors vous êtes avocat du laxisme, etc. » Pas du tout. J'explique dans mon livre, notamment à la fin de mon livre, comment on peut sortir de l'euro, comment on peut retrouver une monnaie qui n'est pas trop surévaluée, ce qu'avait fait le général de Gaulle avec le plan Rueff, et comment en même temps on peut mener une politique de rigueur budgétaire de fonctionnement, une politique d'investissement en retrouvant notre liberté monétaire. C'est-à-dire que je veux bien être clair vis-à-vis des auditeurs, je ne suis pas l'avocat du laxisme. Je dis au contraire que l'apparente rigueur du gouvernement d'aujourd'hui n'est pas une rigueur. C'est une asphyxie. On va dans le mur. Et c'est ça qui est grave. Et ce faisant, on perd du terrain, car quand vous voyez partir des industries ailleurs, elles ne reviennent jamais. Le savoir-faire industriel, quand il disparaît, il ne revient pas. Et c'est ça qui m'inquiète le plus aujourd'hui. J'étais encore dans les Ardennes le vendredi dernier. C'est la disparition totale de notre savoir-faire industriel qui va nous transformer en un pays d'esclaves, avec une paupérisation de la population considérable. Et ça ne se voit pas à Paris, dans les beaux quartiers, parce que Paris vit hors du monde dans la mesure où il y a une richesse naturelle qui vient de toute la France. La pauvreté et la misère se déversent même sur les beaux quartiers. Il faut vraiment détourner la tête pour ne pas la voir. Mais en tout cas, je peux vous dire que le désert industriel qui nous menace est terrible pour la suite. Et si on ne réagit pas vite, on va au-devant de catastrophes. Et voilà pourquoi ce livre dérange. J'ajoute que ce livre parle aussi des banques, de l'escroquerie de la création monétaire privée, et que je n'ai jamais subi un tel boycott médiatique. Une mise à l'index. Ouais. Ah, mais vous n'imaginez pas. Non, une mise à l'index. Pardon. Il faut... mise à l'index. En français, on ne dit pas. C'est vrai. C'est vrai, une c'est mise vrai. En quarantaine, une mise à l'index. Mise en quarantaine, mise à l'index, je mettrai dès que je vais trouver dans ma poche. Je peux vous prêter de l'argent. Oui, vous allez me prêter avec intérêt. Alors, vous n'êtes pas grec, mais je vais quand même vous prêter. Ah non, mais j'ai pas, un billet. Alors, je n'ai pas d'argent sur moi. Non, les billets, ça n'a pas d'intérêt parce que ça ne sonne pas dans le. Prêtez-moi une pièce et je vous rembourserai tout à l'heure. Tenez, voilà. Voilà pour cette. Voilà, les auditeurs de Radio Courtoisie ont entendu la pièce de Nicolas Dupont-Aignan, prêtée par Henri de Lesquin, c'est quand même avec incroyable. Un taux d'intérêt usuraire de 20%. Je veux le dire parce que c'est quand même extraordinaire de voir à quel point un livre qui sort sur le contexte, dans un bon contexte, totalement. J'ai été déprogrammé de l'émission Semaine Critique de M. François-Olivier Gisbert, 3 jours avant. Pour quelle raison ? Soi-disant l'audience, que je ne faisais pas assez d'audience. Et le même jour, on invitait Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui ne me semble pas avoir fait une audience extraordinaire. Le livre n'est pas... Il faut le commander. On a du mal à le trouver dans les FNAC. Et c'est quand même extraordinaire de voir à quel point le fait d'aborder la question des banques, de l'euro et des circuits financiers aujourd'hui est un sujet tabou en France. Alors justement, est-ce que vous ne pensez pas que l'évolution du paysage économique mondial va précipiter la chute de l'euro? Je m'explique. Vous avez vu que les prévisions de croissance mondiale sont révisées à la baisse déjà. Et l'agence Standard & Poor's a lancé un très sévère avertissement aux États-Unis il y a plus de 2 semaines. Le cœur du système mondial, les États-Unis, là c'est plus la Grèce, c'est plus le Portugal. En disant que si dans les 2 ans, un plan d'austérité draconien n'était pas mis en place, le triple A américain, la note triple A, sauterait. Alors là, c'est un coup de tonnerre extraordinaire. D'ailleurs, les bons sont plongés à ce moment-là. Etc. Et est-ce qu'on ne va donc pas assister à un moment donné, puisque le besoin de refinancement est de plus en plus fort dans le monde, que Bernanke va avoir de plus en plus de difficultés, je dirais, à battre fausse monnaie, si je puis dire? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir une hausse assez carabinée des taux d'intérêt du loyer de l'argent sur le marché financier international dans les prochains mois même. Et à ce moment-là, la Grèce, le Portugal, tout ça, ça devient hors contrôle, complètement. Et l'Espagne. Et l'Espagne. Et l'Espagne. La France après. Et après la France. Et puis même l'Angleterre. Hein. Oui, mais soyons clairs. Le problème de la zone euro, c'est que les pays qui sont en difficulté n'ont pas le moyen de jouer avec leur monnaie. L'Angleterre a affronté des difficultés avec un programme de rigueur difficile. Mais l'Angleterre a dévalué sa livre d'environ 20%. Ce que personne ne sait, c'est que la Suède, qui a le meilleur résultat de croissance, ce qu'on me dit toujours, oui, mais monsieur Dupont-Aignan, vous n'y pensez pas, la France est un petit pays, soi-disant. Mais je dis, la Suède est beaucoup plus petite que nous, et elle a l'autonomie de sa politique monétaire. Moi, je réclame de la rigueur budgétaire. Mais pour faire de la rigueur budgétaire, il faut avoir une monnaie qui ne tue pas son industrie. Et justement, c'est très simple. Alors, oui. Et justement, est-ce que des pays, les pays vont pas sortir, je dirais, à la queue leu-leu de l'euro? Mais bien sûr, la Grèce, le Portugal, ensuite l'Espagne. Faute d'anticiper. Quand quelque chose ne marche pas, la raison, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas et d'essayer de trouver un meilleur système. Alors, moi, je ne propose pas l'apocalypse en Europe. Je propose un retrait ordonné de l'euro, le gardant d'ailleurs comme monnaie commune et pas unique, et une coordination monétaire avec nos amis anglais et avec la Russie. Donc je propose dans ce livre quelque chose de très raisonnable. Mais comme en fait, ils ne veulent pas voir le danger d'aujourd'hui, ils vont le subir dans le désordre. C'est ça. Quant aux États-Unis, dernier point, le problème de fond, c'est qu'on parle de ce problème financier des États. Mais les États, ils interviennent pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu casser le système financier spéculatif et que les États sont venus payer les dégâts des banques qui jouent sur les marchés financiers. Avez-vous vu les salaires exorbitants que se sont donnés cette année les dirigeants bancaires français, allant jusqu'à 3 à 4 millions d'euros, les traders, alors même les opérateurs boursiers, et alors même qu'ils sont responsables des pertes. Mais il y a un moment. Donc, on ne peut pas demander aux États d'être rigoureux s'ils épongent les folies spéculatives d'un secteur financier qui n'est plus sous contrôle. Deuxième point, on ne peut pas demander aux États d'être rigoureux si on ne met pas fin au libre-échange déloyal et aux déficits commerciaux colossaux entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. Nicolas Dupont-Aignan, nous allons donner la parole aux auditeurs. Très bien. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. C'est toute la mondialisation qui naufrage là. C'est la mondialisation. Marie-Françoise. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin qui se reçoit en première partie d'émission pour l'entretien politique du lundi soir. Et pour répondre à la question « Faut-il rester dans l'euro ?», Nicolas Dupont-Aignan, député, maire de la ville d'Hyères, et Laurent Arthur Duplessis, journaliste, directeur des publications de Contribuables Associés. Alors, dans les qualités de Nicolas Dupont-Aignan, qui sont nombreuses et grandes, il y a celle de président du parti Debout la République, et celle de futur candidat à l'élection présidentielle de 2012. Un auditeur, l'Allemagne s'en sort car elle exporte beaucoup plus que la France. Un auditeur, l'Allemagne est forte parce qu'elle met à la tête de ses grandes entreprises des gens compétents et non des énarques généralement issus de cabinets ministériels. Schweitzer étant un magnifique prototype chez Renault. Quant à la monnaie faible, impôt sur les pauvres via l'inflation qu'elle engendre, elle n'est que le moyen que les politiques républicains français ont trouvé pour faire payer aux électeurs les prébendes qu'il a fallu dépenser pour les acheter et qui ont créé la dette astronomique du pays. Je peux répondre là-dessus ou pas? Ou c'est après qu'il y a des réponses? Prenez des notes et puis répondez. Oui, d'accord. Fin, ouais. Un auditeur, n'ayons aucune inquiétude. Si au deuxième tour des présidentielles 2012 se retrouvent Sarkozy et Marine Le Pen, M. Dupont-Aignan appellera à voter Sarkozy. Ayez le courage de dire pour qui voter. Un auditeur, M. de Lesquin apparaît de plus en plus clairement comme le sous-marin de M. Sarkozy pour faire perdre des voix à Marine Le Pen. Bravo, M. de Lesquin. J'ai rarement entendu une question si stupide. Bon, excusez Nicolas Dupont-Aignan, répondez. Alors, pour qui allez-vous faire voter si vous ne votez pas pour vous? Écoutez, déjà, on ne vote jamais pour soi, par délicatesse, mais il est clair que je ne voterai jamais Nicolas Sarkozy. Et ma réponse est très claire. Alors après, on verra où on en sera au deuxième tour de scrutin. Je me méfie toujours des pronostics pour les uns ou pour les autres. Je veux répondre parce que c'est cette idée que les défenseurs de l'euro ont mis dans la tête des Français sur la monnaie faible. J'ai jamais demandé une monnaie faible. Je demande une monnaie qui corresponde à la valeur de notre économie. Et sur l'Allemagne aussi. Ce jour, ce complexe vis-à-vis de l'Allemagne. On a à apprendre de l'Allemagne, c'est évident. Mais attention à ceux qui se trompent sur l'Allemagne. Parce que si vous voulez la politique familiale de l'Allemagne, avec l'immigration que l'Allemagne est en train de préparer, eh bien, on continue comme ça. Donc, si on veut que tous nos emplois soient en Allemagne ou ailleurs, et surtout pas en France, on continue comme ça. Donc, la monnaie, elle ne doit pas être trop faible, bien sûr. Et il ne s'agit pas de faire baisser la monnaie pour... Mais il s'agit quand même à un moment de purger le système. Je rappelle quand le général de Gaulle est revenu en 58, où en était la France ? Déficits colossaux, explosion des déficits de fonctionnement. Qu'est-ce qu'il a fait avec le plan REF ? Il a dévalué, créé le nouveau franc, on a dévalué de 20%, certes. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pu permettre de réduire les dépenses de fonctionnement. Il a eu un budget en équilibre. Et le seul moment de notre histoire où on a eu un budget en équilibre, c'était sous le général de Gaulle, après cette dévaluation. Alors, il ne faut pas la dévaluation pour la dévaluation, ça n'a pas de sens. Une monnaie trop forte est dangereuse. Une monnaie trop faible est trop facile et laxiste. Ce que je demande, c'est qu'on retrouve notre liberté monétaire pour mener la politique qui correspond à notre économie. Avec de la rigueur, avec de l'investissement stratégique. Je suis stupéfait de voir qu'on est en train, tous au niveau européen, l'Allemagne compris, parce que quand elle leur a vendu toutes ces machines-outils et que les Chinois produiront les machines-outils allemandes, alors là, ils viendront pleurer, nos amis allemands. Donc attention, tous les pays d'Europe n'investissent pas assez dans la science. La Chine, les États-Unis utilisent certes la planche à billets. Comment les Chinois achètent des entreprises partout, croyez-vous ? Ils les achètent parce qu'ils ne respectent aucune règle du jeu de la mondialisation. Aucune. Et c'est quand même extraordinaire. On a la Chine qui est en train de gagner des places partout. Ils font marcher là. Ce sont des banques d'État. Et j'ai vu, il faut quand même le savoir, que tout le gratin parisien s'est rué à l'inauguration du siège social de la banque chinoise d'État, Place de l'Opéra, qui nous achète nos plus belles entreprises en ne respectant aucune règle de la mondialisation. Et nous avons la commission de Bruxelles et tout cet aéropage, Madame Lagarde en tête, qui s'est précipité à ce dîner des nouveaux esclaves vis-à-vis de la Chine, qui se mettent eux-mêmes des règles qui nous empêchent d'investir dans la science, dans les nanotechnologies, dans les biotechnologies. Donc moi, j'aimerais qu'on fasse, qu'on prépare l'avenir. Donc je ne suis pas un homme du passé, comme on veut toujours nous caricaturer. On doit investir massivement dans les secteurs d'avenir. Et ça, on peut le faire si la Banque de France finance à 0% les investissements d'avenir, comme on a fait Ariane, le nucléaire, le TGV. Alors justement, vous évoquez, vous instruisez avec beaucoup de pertinence le procès de la mondialisation telle qu'elle a été mise sur pied. Et vous vous souvenez que feu Jimmy Goldsmith critiquait la mondialisation telle qu'elle se construisait dans les années 90 en regrettant qu'elle ne s'élabore pas sur la base de grands espaces semi-autarciques appariés par niveau. Bien sûr. Avec des filtres douaniers entre ces grands espaces, de manière à ce que l'investissement productif puisse s'y développer harmonieusement et de manière à ce que tout le monde ne carbonise pas tout le monde. Or, ces prophéties alarmistes de l'époque... Laurent Arthur Duplessis, c'est exactement l'application de la doctrine économique de Maurice Allais, prix Nobel de sciences économiques. Tout à fait, oui. J'explique dans ce livre aussi l'arnaque du siècle, notamment le scandale France Trésor, qui est lié à ça, et que c'est Maurice Allais d'ailleurs. Alors, attendez, expliquons alors, parce que ça c'est un sujet très intéressant. Effectivement, vous consacrez un chapitre à cette fameuse loi de 1973 que de mauvaises langues appellent la loi Rothschild, parce que Pompidou avait été fondé de pouvoir à la banque Rothschild. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé en 1973. Il faut bien comprendre qu'avant 1973, la Banque de France prêtait à l'État. Gratuitement. Gratuitement. En 73, janvier 73, discrètement, dans l'indifférence totale, il est décidé que la Banque de France ne peut plus prêter à l'État gratuitement. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on passe par des banques privées. Mais les banques privées se refinancent auprès de la Banque centrale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des banques privées prêtent à 3% à l'État, mais elles se refinancent auprès de la Banque centrale à 1%. Donc tous les gens qui savent compter savent que si une banque emprunte à 1% auprès de la banque centrale de l'argent et le reprête aux États à 3%, elle fait du bénéfice. Bien compris. Et après, les États payent des intérêts. Aujourd'hui d'ailleurs, les banques prêtent à 8% au Portugal ou à la Grèce, même à 13%. C'est de l'usure. Alors Nicolas Dupont-Aignan, là vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important. Assez fondamental. Et qu'on peut expliquer simplement aux auditeurs de Radio Courtoisie. C'est qu'on a privatisé la création monétaire. Avant 1973, l'État se finançait gratuitement auprès de la Banque centrale, la Banque de France, puisque l'euro n'existait pas. On disait, mais c'est une incitation au déficit. Et certains ont pensé naïvement, moi peut-être à l'époque, enfin, j'étais un peu jeune pour me pencher sur la question, mais quand même, j'étais à Sciences Po, donc j'ai dû pouvoir faire un exposé sur le sujet. On a dû penser à l'époque que c'était une manière de rendre plus vertueuses les finances publiques en éloignant de l'État la tentation de se financer gratuitement. Or, l'expérience a montré que depuis la loi Pompidou-Rothschild de 1973, les déficits publics ont explosé. Donc l'objectif n'a pas été atteint. Et depuis 2008, le scandale est devenu incroyable parce que d'une part, les pays occidentaux ont vu leur déficit budgétaire exploser et d'autre part, les banques centrales, la Banque centrale européenne et la Banque centrale américaine, le Federal Reserve System, se sont mis à refinancer les banques à très bas prix, à 0% aux États-Unis et à peine à 1% en France. Les États de plus en plus déficitaires qui ne peuvent pas emprunter directement auprès de la Banque centrale empruntent aux banques. Et les banques se remplissent, s'engraissent, sans aucun risque. Elles prêtent à l'État qui n'a pas le droit d'emprunter à la Banque centrale. Et à la place de l'État, c'est elle qui emprunte à la Banque centrale gratuitement. Donc elles se font une marge de 2, 3, 4% sans aucun risque. Donc l'État et donc les contribuables engraissent les banques d'une manière absolument scandaleuse, il faut dire ce qui est. Alors, deux choses, parce que ça me paraît important. En 73, c'est vrai que il ne fallait pas non plus, l'idée, je pense, de départ a été de dire il faut que les États soient plus vertueux, le fait qu'ils puissent se voir prêter par la banque directement peut inciter certains États à être trop dépensiers. Il reste que notamment sous le général de Gaulle, ce qui était intéressant, et c'est une politique à retenir, l'État était très économe en fonctionnement quotidien, mais le général de Gaulle s'est servi de cette facilité de crédit pour investir dans les grands programmes scientifiques, ce qui a été utile au pays. À l'inverse, certains pays ont utilisé cette facilité monétaire pour faire des dépenses de quotidienne, et là, ça nourrit l'inflation. Donc, il faut être clair, l'idée, c'était quand même de casser l'inflation. Mais comme dans tout, on s'aperçoit que, comme vous le dites, que les banques privées ont utilisé ce système pour se faire des marges ahurissantes et pendant ce temps-là ne prêtent plus aux petits entrepreneurs. Et le rôle des banques aujourd'hui dans notre société est totalement inversé. Le rôle d'une banque, c'est à partir des dépôts des usagers, des clients, de prêter aux PME et aux entreprises. Aujourd'hui, c'est plus ça. Elles prennent les dépôts des clients, elles prennent les dépôts des entreprises, elles ne prêtent plus aux entreprises et elles prêtent aux États, puisque c'est tout bénef. Elles utilisent ces dépôts et quand il manque un peu d'argent, elles vont se refinancer à la Banque centrale à 1% et elles reprêtent à 3%. Mais ce que je dénonce dans mon livre, et je pense que c'est l'explication du boycott de mon livre médiatique. De la mise à l'index. De la mise à l'index. Là, c'est un billet qu'il faudrait que je vais mettre à la fin. La mise à l'index. C'est que le comité stratégique de France Trésor... La pièce en or de 1000 euros me convient parfaitement, que ce soit une pièce en euros. Malheureusement, je suis trop pauvre et je le mettrais dans mon mouvement si je l'avais. je veux quand même que les auditeurs sachent qui est membre du comité stratégique de France Trésor. France Trésor, c'est une agence de Bercy, donc ça dépend totalement de l'État. Et le comité stratégique de France Trésor, c'est le comité qui donc conseille France Trésor. Alors je vous lis. Président Jacques Delarosière. Quelle page du livre ? Page 81. Ancien gouverneur de la Banque de France et surtout conseiller du président BNP Paribas. Ah, conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts. Deuxièmement, Peter Fischer, co-responsable de la gestion obligataire chez BlackRock, fonds spéculatif américain. Ancien sous-secrétaire d'État du Trésor américain. Jean-Louis Faure, ancien secrétaire général de la Commission bancaire. Francesco Giavazzi, professeur d'économie à Milan, mais qui en plus... Attendez, il faut que je le trouve, parce qu'ils ont un palmarès, un pédigré quand même extraordinaire. Un palmarès. Un pédigré. Un pédigré, j'ai dit, je me suis rattrapé tout de suite. Ben, c'est l'inverse. Pédigré, c'est un mot anglais. Ah, alors palmarès. Non, mais palmarès, c'est un mot français. Alors palmarès, voyez, alors je... Ou bien... Il est implacable, implacable. Enfin bon, j'explique. Bon, écoutez, ils ont tous des conflits d'intérêts terribles. Emmanuel E, Jean-Pierre Albron, ancien directeur général adjoint d'Alcatel. Emmanuel O, membre du directoire de la compagnie financière Edmond Rothschild. Philippe Hildebrand, vice-président de la direction générale de la Banque nationale suisse. René Carsanti, président exécutif de l'International Capital Market Association. Là, je le lis, c'est en anglais parce que c'est en anglais. Kok Song, directeur général du gouvernement de Singapour. Bertrand de Mazières, directeur général de la finance. Et je ne vous passe le palmarès de toutes ces précieuses personnes qui ont tous été dans les conflits d'intérêts complets. Pour vous dire, M. Hildebrand, qui a été promu récemment en direction générale de la Banque nationale suisse, était spécialiste au Crédit Suisse First Boston, c'est en anglais. Il était banquier, gestion de fortune à l'UBS, alors, là où ils ont c'est grave parce que le fisc américain. Là, vous avez levé un lièvre important, car ce comité stratégique. Ah oui, pardon, excusez-moi, parce que je veux quand même le dire, M. Giavazzi était quand même accessoirement banquier chez Banco di Napoli. Il a gobé son rôle de président de la banque Spirito Santo. Non, je t'en plus. Et partout, des scandales, donc le problème. Des trafics, des pertes d'argent pour les contribuables et les épargnants. Et ce sont eux qui conseillent la France. Le comité stratégique dont vous parlez est chargé, je vous cite, enfin vous citez la loi, est chargé de donner sa lecture propre des principes qui gouvernent la politique d'émission de l'État et la gestion de sa trésorerie, ainsi que de se prononcer sur les pratiques en cours et les éventuelles évolutions à venir. Donc, tous ces gens, évidemment, sont sûrement très compétents, mais ils sont en plein conflit d'intérêts. Ah bah, c'est comme, moi je dis souvent, c'est comme si au conseil municipal de ma ville, il y avait les fournisseurs de la ville. Voilà. Plus des élus, des fournisseurs. Parce que tous ces gens qui conseillent la ministre de l'économie, ce sont des gens qui ont intérêt, bien sûr, à placer la dette de la France chez eux. D'ailleurs, le résultat est très simple. BNP Paribas, comme par hasard, était premier dans le placement de la dette française. Non mais attendez, il faudrait prévenir le procureur de la République, oui. Parce que tout cela me paraît tomber sous le coup de la loi qui punit la prise illégale d'intérêt. Et ils contribuent à prendre des décisions, à faire prendre des décisions, alors qu'ils ont des intérêts dans des entreprises qui sont concernées par les dites décisions. Et vous comprenez pourquoi la dette française est arrivée à 50 milliards d'euros aujourd'hui, pourquoi on continue comme si de rien n'était, et pourquoi au même moment, quand les dirigeants bancaires français, mais aussi du monde entier, se gavent de comment on peut traduire option d'achat, option d'achat sur les actions, d'options d'achat sur les actions, comment plus personne ne dit rien. Alors vous avez une phrase de Jefferson est le père de l'indépendance américaine, donc il a dû mourir vers 1800 et quelques, ou même avant, je ne sais pas exactement la date de sa mort, et il dit ceci, donc c'est cité dans l'arnaque du siècle, le livre de Nicolas Dupont-Aignan aux éditions du Rocher, qui vient de paraître. Jefferson dit « Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. » Alors ça, c'est quand même une phrase extraordinaire. Jefferson « Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent sa monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession, d'abord par l'inflation, ensuite par la récession, jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront, sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquis. » Mais n'est-ce pas exactement la prophétie du scandale des crédits de second rang, qu'on appelle subprime en anglais? Oui, tout à fait. C'est ça qui s'est passé, c'est extraordinaire. Alors, vous citez beaucoup... Mais j'ai pris exprès Jefferson, parce que... C'est extraordinaire. Si vous voulez, je me suis dit, en écrivant ça, d'ailleurs j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, mais vous faites du Besancenot, vous ne faites pas du tout. Et je suis attaché aux valeurs de la libre entreprise. Mais la libre entreprise, c'est la responsabilité, c'est le contrôle. C'est pas l'oligarchie. C'est quand même important. Et alors justement, là, on est en pleine oligarchie. Est-ce qu'on n'assiste pas à un mouvement de fond dans l'opinion publique américaine actuellement et qui pourrait se répercuter aussi dans les opinions publiques européennes et notamment en France, un mouvement de fond pour dresser le réquisitoire de la Banque centrale américaine qui est de plus en plus mal vu et des grandes banques qui sont de plus en plus mal vues par l'opinion publique américaine. Et le mouvement Tea Party aux États-Unis prend une extension extraordinaire sur ces bases-là. Et est-ce que, justement, ça ne va pas arriver chez nous, ça ? Mais écoutez, on peut le souhaiter. Ce que je peux constater, en revanche, c'est que vu le nombre de pages de publicité achetées par les grandes banques françaises dans les journaux, il y a beaucoup de mal déjà à faire entendre notre point de vue. Parce que c'est ça la question fondamentale. C'est que le système qui a été mis en œuvre a tout acheté. Et je vais vous dire, je ne le croyais pas avant d'avoir publié ce livre. Je me suis dit, on m'a dit, tu verras, en publiant ça et en t'attaquant à France Trésor, tu n'auras rien. J'ai dit, en attaquant les banques, le scandale de France Trésor. Monsieur Plenel de Mediapart, qui fait scandale sur les joueurs de foot polémique scandaleuse, on pourrait en parler. Je lui ai envoyé ça, alors ça, il n'en parle pas. C'est facile d'attaquer le pauvre monsieur Blanc, qui essaye de lutter contre la binationalité dans l'équipe de foot. Mais en revanche, parler de ça, ça c'était matière, un beau scandale quand même. Marianne, le journal Marianne, qui se fait fort, devait prendre les meilleures pages de mon livre. On m'a appelé, on disait on va prendre les meilleures pages. Non mais Nicolas Despoignants, vous découvrez une vérité que les éditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, c'est d'ailleurs pour plus ça qu'ils sont de plus en plus nombreux à la soutenir et à souhaiter qu'elle se développe. Il faut aider Radio Courtoisie, je peux vous dire. Et c'est Radio Courtoisie est le seul espace de véritable liberté. Ne serait-ce que parce qu'elle a 74 patrons d'émission et que chacun a ses propres tropismes. Bien sûr. Et donc, nous, non seulement nous sommes une radio libre, mais chaque patron d'émission est lui-même libre par rapport à cette radio libre. Alors c'est une liberté au second degré qui n'existe nulle part ailleurs. Mais j'aimerais qu'avant de revenir aux banques, quand même, puisque vous avez évoqué, vous nous parliez d'un sujet d'actualité s'il en est, c'est le scandale, prétendu scandale, la polémique sur les quotas qui seraient prévus dans l'équipe de France de football. Alors d'abord, je voudrais faire remarquer que j'ai été la seule personnalité de droite à réagir et à soutenir M. Blanc. La Fédération française. Bon, Laurent-Arthur Duplessis, vous le soutenez, M. Blanc ? Ah oui, oui. Oui. Bon. Mais ce qui est intéressant... Marie-Françoise ? Oui, aussi. Nous sommes tous derrière M. Blanc. Ça prouve quoi ? Mais il a un nom emblématique, M. Blanc, c'est un peu suspect. Hein. Ça prouve quoi ? Ça prouve que j'étais quand même le seul, le samedi, de début de la polémique, j'ai dit, il faut arrêter avec cette inquisition. On est dans l'inquisition. Avec une violation de l'intimité, puisque oui, on a enregistré... De surcroît. On a enregistré illégalement des fait. Propos qui étaient tenus dans une réunion privée. Mais surtout, ce qui privée. Est intéressant, c'est comme du temps de l'inquisition, on met à la question la personne. Elle doit avouer. Et avant même, d'ailleurs, quoi que ce soit, elle avoue un crime qu'elle n'a pas commis. C'est ça qui est intéressant dans la démarche. Très intéressant la manière dont ça s'est fait. C'est-à-dire que moi, j'ai lu le compte-rendu, de cette réunion. Il n'y a à aucun moment la moindre parole raciste. La Fédération française pose deux questions tout à fait légitimes. Ils disent d'abord, c'est quand même curieux, sur les 27 joueurs formés au centre d'entraînement de Clairefontaine, où l'État a mis beaucoup d'argent, il n'y en a que 4 qui ont accepté de jouer en sélection nationale. Tous les autres ont joué dans des équipes étrangères. Et Laurent Blanc dit, il faut quand même qu'on s'interroge, est-ce normal que les crédits publics aillent à la formation des équipes étrangères ? En quoi est-ce scandaleux ? Premier point. Défendre l'intérêt national, c'est scandaleux. Voilà, premier point. Deuxième point, il pose un problème technique, et c'est écrit comme ça. Il dit, on a sélectionné les joueurs en fonction de critères physiques, favorisant les grands joueurs athlétiques, qui sont des noirs. Plus souvent des noirs, parce qu'on n'a pas encore vu un japonais de 2 mètres. Et il dit... Alors, remarquez, un joueur de sumo... Il y en a, comme il y a des parfois des joueurs... Ce n'est pas très vif, mais c'est balèze. J'ai cité à Europe 1, il y a des petits joueurs, il y a un mec Elélé qui est un joueur de couleur noire et qui est petit, et qui... Voilà, donc il faut se méfier des choses. Mais donc il le dit très bien dans son truc, il dit, ça m'est égal d'avoir une équipe de noirs, en revanche, je ne veux plus avoir d'équipe avec que des grands très physiques, il nous faut aussi des joueurs plus petits qui jouent différemment. Et pour la qualité du jeu, ce n'est pas plus mal. Et il dit, pour la qualité du jeu, le il spectacle. Faut des joueurs différents. Et ce qui est extraordinaire, il n'y a absolument rien de raciste. Et ce qu'il dit à un moment, il dit très simplement, il fait l'éloge de la diversité. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que tous ceux qui passent leur vie à demander la diversité ne supportent pas que quelqu'un demande la diversité quand elle est à rebours. C'est-à-dire qu'on demande la diversité quand il n'y a que des Blancs, et en même temps, on n'a pas le droit de demander la diversité quand il y a, que y a le danger qu'il n'y ait que des Noirs. Attendez, quoi, le danger, excusez-moi, il n'y avait pratiquement plus que des Noirs dans l'équipe de France. Tout à fait. Eh bien, là, on n'a pas le droit. Et d'ailleurs, j'étais invité à Europe 1 lundi dernier, j'ai dit, c'est quand même extraordinaire que tous ces gens qui demandent des quotas à longueur de journée refusent qu'il y en ait. Moi, je suis hostile aux quotas, d'une manière générale. En revanche, je dis très clairement que ce qu'a dit Laurent Blanc n'avait rien de scandaleux. Il a demandé un équilibre de jeu. Il a d'ailleurs dit qu'il faut qu'on arrête de sélectionner des jeunes en fonction uniquement de leur taille physique. Il faut qu'on équilibre les choses. Il n'y a rien de choquant. Eh bien, c'est devenu une affaire. On a caricaturé le propos. On l'a traité de raciste. Il a bêtement, le directeur technique, n'aurait jamais dû s'excuser de quoi il n'a pas à s'excuser. Et on est dans un phénomène inquisitorial. D'affolement. D'affolement médiatique. Et le gouvernement, comme d'habitude, a été lamentable. Madame Joanneau a été lamentable. Elle a couru après la mode. Selon son habitude. On la connaît bien. Elle a couru après la mode. Et je vous dis que j'ai été le seul parlementaire de droite à réagir. Pas une personne n'a réagi. C'est incroyable. Et on m'a dit, tu es fou. Tu vas être assimilé à des racistes. Mais j'ai dit, mais attendez, si... on crie, c'est comme la fable du loup. Si on crie au loup, quand il n'y a pas de loup, le jour où vous aurez des vrais racistes, alors là, vous aurez un problème. Parce que personne ne vous croira. Est-ce qu'on peut encore parler d'intérêt national dans notre pays sans être traité de raciste? Est-ce qu'on peut parler de diversité sans être traité de raciste? Voilà, c'est tout. Donc cette affaire Blanc, elle est tout à fait emblématique de la dérive intellectuelle et politique de notre pays. Et moi, j'ai réagi, on m'a assez... critiquer là-dessus, mais j'ai reçu que des lettres de félicitations. Surtout que s'il y a un domaine où il n'y a pas de racisme, c'est bien le football. Enfin bon, passons. Voilà le triste épisode de Laurent Blanc. Et vous allez voir ce soir, je ne sais pas ce qui va se passer, mais enfin... Oui, alors, il faut quand même à ce propos rappeler ce qu'a dit l'un des dirigeants de la fédération qui a parlé de la publicité, qui a dit la fédération est financée en grande partie par Nike, et si Nike croit que nous sommes racistes, nous n'aurons plus l'argent de Nike. Radio Courtoisie. Radio Courtoisie. Y a-t-il des raisons financières et commerciales à cette prudence, à cette pusillanimité de la fédération? Je sais pas. Moi, je crois qu'on doit aller vers les choses compliquées avec des idées simples. Et les idées simples, c'est que dans la France républicaine, il faut arrêter de dresser les gens les uns contre les autres, de parler tout le temps de couleur de peau. Parce que ce faisant, on est en train de communautariser notre pays et on va au-devant de graves problèmes. Parce que s'il y a un domaine, le football, qui était exempt vraiment de tout racisme... Moi, j'ai un club de football dans ma ville avec des jeunes de toutes les couleurs... sont fiers de leur club. J'y étais encore dimanche dernier, on a fêté une victoire. Il y a un vrai brassage tel que la banlieue est aujourd'hui, et il faut savoir comment elle est. Et moi, j'ai jamais été de ceux qui voulaient... C'est comme ça, donc il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Il faut rassembler, telles qu'elles sont pour les et il faut bloquer. Et il faut bloquer l'immigration. Mais une fois que les gens sont là, il faut les assimiler. Et le football était un des moyens. Ce qui est terrible dans l'affaire de Mediapart, et ce que je trouve détestable, c'est que comme toujours dans notre pays, on met une sorte de poison, le poison de la discorde. Ah, j'ai 12 ans, je suis noir, donc je vais pas être pris. Vous voyez, c'est ça qu'ils veulent mettre, en fait. C'est la destruction des gauchistes qui veulent détruire ce qui existe. Parce que s'il y a un domaine où il y avait à peu près la concorde dans le foot, c'est bien ça. Et il était normal que Laurent Blanc rééquilibre les équipes, et personne ne lui en voulait. Personne. Même des joueurs qui étaient noirs, jaunes, verts... Ils étaient d'accord. D'ailleurs, la plupart sont d'accord, à part Thuram, qui fait commerce. 20 000 euros l'intervention de Thuram pour une conférence, quand même, il faut le savoir. Bon. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas une certaine corrélation entre cette apologie fanatique du communautarisme qui envahit les médias politiquement corrects, etc., et la mondialisation? Parce que, bien sûr, la mondialisation déteste l'État-nation. Bien sûr. Et la mondialisation met sur un Olympe le communautarisme. Et comme la mondialisation veut se faire pardonner le nouvel esclavage, parce que les premiers esclaves, c'est ceux qui arrivent en France, qui sont importés, entre guillemets, par des entreprises, des grandes entreprises françaises aussi, qui font venir des personnes de l'étranger. Je pense notamment aux informaticiens. Quand je vois dans ma ville, j'ai eu 2 suicides de seniors, comme on dit, alors de personnes d'un certain âge, qui étaient très jeunes, qui avaient 50 ans, et très jeunes de mon âge, et qui se sont suicidés parce que ça faisait 4 ans qu'ils étaient au chômage. Quand je vois qu'un informaticien aujourd'hui de 49 ans ne trouve pas de travail, et que vous avez des grandes entreprises françaises qui demandent des permis de travail pour des informaticiens indiens, je dis que c'est criminel. Et comme ils veulent se faire pardonner ce nouvel esclavage, immédiatement, Madame Parisot du MEDEF s'est exprimée en disant... Oh, quel scandale et tout. Parce que d'un côté, on brasse les gens, on les déculture, si je puis dire. On les sort de leur territoire. Ils arrivent malheureux. Et après, il faut que tout le monde se réconcilie. Et ils ne sont pas gentils, vous voyez. Donc, on ne traite jamais les causes des problèmes. Et après, on trouve des boucs émissaires faciles. Et tout l'enjeu, c'est de permettre, et vous en parliez, monsieur, c'est de permettre à l'Afrique de se développer, à l'Asie de se développer. Et ça, ça viendra par des zones régionales de libre-échange avec des écluses sociales, environnementales entre elles. Et c'est comme ça qu'on traitera les problèmes migratoires. Mais il va de soi que la mondialisation se fait pardonner le nouvel esclavage par cette pseudo-agitation antiraciste qui vise à leur donner bonne conscience. Et je dis souvent MEDEF, Besancenot, même combat. Il y a une phrase célèbre, en tout cas qui devrait l'être, de Madame Parisot. Elle a dit un jour, soyez français si vous voulez, mais surtout, soyez cosmopolite. Citation. Et à propos de citation, justement, vous avez parlé d'oligarchie tout à l'heure, je voudrais savoir ce que vous pensez de cette phrase de Pierre Manant. Le reproche qu'on peut faire aux libéraux, c'est d'avoir sous-estimé les tendances oligarchiques qui vont avec la libéralisation de la société. C'est le point aveugle du libéralisme. Qu'en pensez-vous ? C'est très juste. Oh, Pierre Manant est un grand philosophe. C'est alors, tout à fait juste. L'oligarchie est-elle purement bancaire ou est-elle plus large que les banques ? Elle est plus large. Elle est plus large. C'est évident. Elle est médiatique aussi. Elle est médiatique, elle est financière, elle est politique. C'est un petit monde qui vit entre soi et qui a complètement oublié le peuple, qui le méprise et qui s'en méfie d'ailleurs. Et donc qui est plus nerveux aujourd'hui car je crois que la bataille idéologique, nous sommes en train de la gagner. Je crois que nous avons oui. Il faut d'abord que les gens sachent qu'il y a une oligarchie en France. Oui, mais dans le monde, la superclasse si mondiale. Si vous voulez, je crois qu'il y a un grand changement que je vois depuis 2005, depuis la victoire du référendum. C'est que la bataille idéologique, nous sommes en train de la gagner. Et comme la bataille idéologique est en train d'être gagnée par nous, le système se raidit. Voilà. Et justement, est-ce que vous ne pensez pas que la crise économique et financière mondiale, dont je crois qu'elle va aborder une étape aiguë avec la faillite des États, qui semble inéluctable, la faillite des États, l'endettement public n'est plus maîtrisable, il est hors contrôle. Eh bien, est-ce que vous ne croyez pas que ce collapsus... C'est du latin. Ah oui, c'est du latin. Je ne crois pas que ce soit spécialement anglais. On a le droit de parler latin. Ce collapsus mondial, ne croyez-vous pas que, justement, il consacre le naufrage de la mondialisation, telle qu'elle a été mise sur pied depuis 2-3 décennies, sous l'égide américaine, il faut bien le dire. Et d'autant que le système monétaire international pourrait bien imploser, le dollar pourrait bien perdre son rôle de monnaie de référence, l'euro lui-même pourrait bien éclater. Et ne pensez-vous pas que la crise économique mondiale ne puisse pas être, dans un certain sens, une bénédiction, parce qu'elle permettrait une réhabilitation parfaitement inattendue de l'État-nation. J'ai toujours des réticences à espérer le pire pour avoir le meilleur. Comprenez ma réticence. Oui. Et moi, je souhaite qu'on puisse devancer les choses. Malheureusement, connaissant maintenant parfaitement l'oligarchie, du moins française, je crains que vous n'ayez raison. C'est-à-dire que les événements, l'enchaînement d'événements historiques, financiers, va provoquer à un moment donné une révolte sociale et populaire. Je crains simplement que je trouve dommage d'arriver toujours à ces extrémités et que la raison minimum, l'écoute des Français, le rééquilibrage des forces politiques ne permettent pas des corrections de tir rapides. Mais Nicolas Dupont-Aignan, je pense que vous avez raison. Revenons au sujet principal de votre livre L'arnaque du siècle aux éditions du Rocher, qui est l'euro. Vous commencez votre livre par de la politique fiction, de la fiction politique, je l'ai dit tout à l'heure. Ça se passe le 24 juin 2012 et vous imaginez que le nouveau président fait un référendum pour que les Français se prononcent sur la question « Souhaitez-vous que la France reprenne la maîtrise de sa monnaie ?» Les Français répondent oui en grande majorité, selon ce scénario de fiction politique. Mais vous finissez le livre par une conférence de presse où... Le ministre des Finances, je crois, répond aux questions des journalistes qui lui disent « Mais ce n'est pas possible de sortir de l'euro, comment allez-vous faire ?» Alors je voudrais que vous nous disiez quel processus vous suivez pour sortir la France de l'euro, pour que l'euro sorte de la France, comme vous le dites. Oui, parce que la question, c'est pas concrètement, que la France... Concrètement, comment très, très concrètement, comme quand les républiques anciennement soviétiques sont sorties du système soviétique. Le meilleur exemple, c'est la Tchécoslovaquie. Oui, mais j'allais y venir. Et la Tchécoslovaquie, la Slovaquie est redevenue libre. Il a fallu une semaine. Une semaine. Et d'ailleurs, j'explique très concrètement qu'on peut faire exactement comme le général de Gaulle avait fait, avec des contre-marques sur les billets, le temps qu'on imprime les billets, ce qui s'était fait en 58, je ne le savais pas. je n'étais pas né, mais il y avait eu des contre-marques et les gens allaient à la banque, on leur mettait les contre-marques pendant la semaine. Et ensuite, très vite, en fait, il y a une rotation monétaire, je ne savais pas, qui a permis très vite d'écluser le système. J'ajoute que je n'ai pas fait ça tout seul. Moi, je n'ai pas la science infuse. J'ai travaillé beaucoup avec notamment Jean-Pierre Gérard, qui est l'ancien membre du Conseil de politique monétaire, qui avait été nommé par Philippe Séguin, qui est un industriel, qui est un des meilleurs spécialistes de la monnaie. Et avec tous ces experts, on a travaillé ensemble pendant 6 mois et on a mis en place un système très, très simple, très possible de sortie de l'euro. Ce qui est important, c'est la confiance. Vous savez, les marchés, on nous dit les marchés vont faire chuter le nouveau franc. Pas du tout. Le nouveau franc, le marque se réévaluera ou l'euro ancien. Et le nouveau franc retrouvera une valeur. Et ensuite, le nouveau franc sera ce que la politique économique fera de lui. La sortie de l'euro, je veux bien être précis, ce n'est pas une solution miracle. C'est une clé pour se réapproprier une politique économique et retrouver un effort collectif national. Je voudrais dire un mot sur la Tchécoslovaquie. Vous écoutez Radio Courtoisie. En Tchécoslovaquie, ça s'est passé je crois en 1993, la sortie de la monnaie unique, tchèque et slovaque, s'est faite en une semaine. Il faut bien que les auditeurs de Radio Courtoisie comprennent qu'il n'y a pas de symétrie entre l'entrée dans la monnaie unique et la sortie. L'entrée est très compliquée pour des raisons très matérielles d'arrondi, parce que oui. Quand le franc est converti en 1 euro qui vaut 6,55957, c'est quand même assez compliqué. Bien. La sortie se fait au cours de 1 pour 1. 1 pour 1. La nouvelle monnaie, oui, le nouveau franc, ou qu'on appelle franc ou bien qu'on l'appelle écu ou je ne sais quoi, doit valoir, sinon c'est très compliqué, une unité monétaire d'avant. Bon. Et donc, dans ces conditions, c'est extrêmement simple. La Tchéquie, la Slovaquie, on dit un beau jour, bah, à partir de maintenant, les comptes que nous avons dans notre pays indépendant en monnaie tchécoslovaque, en couronne tchécoslovaque, deviennent de la couronne tchèque ou de la couronne slovaque, respectivement. Effectivement, pour les billets, c'est un peu plus compliqué, il faut les changer ou les contremarquer. Les contremarquer. Pour la monnaie divisionnaire, c'est-à-dire les pièces de monnaie, c'est encore un peu plus compliqué parce que c'est plus long à changer, mais ça n'est pas très grave qu'il y ait un peu de trafic de pièces, c'est tout à fait marginal. Alors, la question qu'on veut vous poser, et c'est là qu'il faut avoir une réponse claire, c'est que faites-vous de la dette contractée par la France en euros? Est-ce que vous considérez, si la France fait cavalier seul, part toute seule de l'euro, que la dette qu'elle a contractée en euros, c'est toujours de l'euro, ou bien vous considérez qu'elle est convertie autoritairement dans la nouvelle monnaie nationale? Alors, parce que sinon, s'il y a une dévaluation, votre dette va monter de 1%. Alors, j'ai une position, là, nous avons fait une option. Il y a deux options. Soit vous convertissez un pour un immédiatement. Bah, je crois que c'est la bonne. Je suis pas sûr. Ah. Enfin, en tout cas, ça se dit au dernier moment. Et c'est une forme de restructuration de dette. Bah, peut-être, et alors? Ce qui ne me choque pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je suis plutôt en faveur d'honorer la dette. Pour une raison très simple. C'est qu'en fait, vous retrouvez votre liberté monétaire. Donc, vous n'avez plus besoin de passer par les marchés financiers pour assurer les fins de mois de l'État. Vous le financez directement par votre Banque de France. Et donc, c'est un non-problème. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous remboursez votre dette, mais comme c'est vous qui créez votre monnaie, vous la remboursez très facilement. Il n'y a pas de problème, en fait. C'est-à-dire que le plus 20% ou le plus 15% ne pose pas un problème. Et c'est quelque chose qui fait, on fait peur aux Français en disant « Vous allez avoir une dette de 20% de plus. » Sauf que moi, je pense qu'il faut honorer notre dette en termes mais de crédit. Attendez, ça c'est... Et vous avez des créances aussi. Non, mais là, vous allez dans le sens des banquiers. Nous avons émis des dettes dans une monnaie qui était la monnaie nationale. Certes, d'un point de vue juridique, on peut dire que c'était la monnaie internationale créée par la Banque Centrale Européenne. Il n'empêche que c'était la monnaie nationale. Donc, ça se convertit très moralement et politiquement et financièrement. Il y a deux solutions. Il faut dire qu'on convertit un pour un dans la nouvelle monnaie. Enfin, on ne convertit pas, on dit que en ça continue cas, dans la nouvelle monnaie nationale. Oui, mais cher monsieur de Lesquin, ça, c'est la mesure qu'on prend du jour au lendemain. Ça ne se dit pas à l'avance, parce que sinon... Bien, alors ne le disons pas, mais faisons-le. Et en dehors de cela, donc, y a-t-il des difficultés particulières? Aucune difficulté particulière, encore une fois. Et je vais vous dire, il n'y aura pas de difficulté particulière parce que les autres pays seront ravis de cela. Mais Nicolas Dupont-Aignan, expliquez aux auditeurs de Radio Courtoisie pourquoi ce que vous dites, qui est quand même très convaincant, surtout quand on a lu votre livre, L'arnaque du siècle, on est convaincu si on ne l'était pas avant. Il faut dire que j'étais convaincu avant, mais là vous apportez des arguments nouveaux sous un angle très percutant. Et vraiment, c'est irrésistible. La démonstration est irrésistible dans L'arnaque du siècle aux éditions du Rocher, livre de Nicolas Dupont-Aignan. Bon, comment expliquez-vous le dogme de l'euro et le refrain qu'on nous répète inlassablement, l'euro, c'est la réussite. Au moment de Maastricht, en 1992, on expliquait que l'euro serait la solution. 20 ans après, on a bien vu que c'était un mensonge ou une erreur. Pourquoi continue-t-on ? Je vais vous dire. Aujourd'hui, ils ne se battent plus sur le fait que l'euro est une réussite parce que 70% des Français dans les sondages disent l'euro est une catastrophe. En revanche, ils ont réussi encore à faire croire aux Français qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et il y a un nouveau sondage. En gros, il y a un bon tiers des Français qui disent qu'on peut revenir au franc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a deux tiers des Français qui savent que l'euro est une catastrophe et qui ont la nostalgie du franc. Et il y a, pour finir bien sur cette histoire de sondage, c'est important. Et il y a un tiers des Français qui croient possible. Ça veut dire qu'il y a un tiers des Français qui savent que le médicament, le Mediator, l'euro est mauvais pour eux et qui continuent à le prendre parce qu'on leur a mis dans la tête qu'on ne pouvait pas faire autrement. Dans aucune situation humaine, et encore moins collective, on ne doit se résoudre à un échec et à subir son destin. Nicolas Dupont-Aignan, c'est tout. Donc moi, je dis aux Français que si on veut relancer l'emploi, relocaliser nos emplois et donner du boulot à nos enfants, il faut avoir une monnaie qui ne nous épuise pas. Si on veut, je finis là-dessus, préparer l'avenir, investir dans la science, la technologie, pour pas être complètement largué au 21e siècle, parce que c'est ça l'enjeu. L'économie, c'est une dynamique. Il faut bien le comprendre. Nous sommes responsables des décisions et du niveau de vie dans 20 ans. Alors je sais, quand je dis ça, on me regarde avec des yeux carrés, parce qu'en général, les hommes politiques, c'est à 8 jours. Les décisions qui sont prises sur l'énergie solaire, sur les nanotechnologies, sur la biotechnologie, sur l'espace, sur la voiture propre, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Sinon, on sera un peuple de seconde zone. Eh bien, ces décisions-là, on a besoin de notre liberté monétaire pour financer ces investissements massifs. Nicolas Dupont-Aignan, il faut qu'on vous entende et que vous continuiez votre effort de pédagogie, parce qu'il ne faut pas que les gens se trompent. Évidemment, on pourrait revenir au franc, à l'ancienne parité, avec le rapport de 6, 5, 5, 9, 5, 7. Ah non, c'est 1, 1. Mais quand on pose la question aux gens, si on ne leur explique pas, ils croient que c'est ce qu'on veut faire. Ce qui complique tout... Et ce n'est pas le sujet. Il faut convertir la nouvelle monnaie nationale, donc il ne faut peut-être pas l'appeler le franc. L'euro franc, si on veut faire sauver la face, mais enfin encore. Mais la nouvelle monnaie nationale, quel que soit son nom, elle doit être convertie, définie, et puis au taux de 1 pour 1. J'ajoute enfin qu'il faut une politique. C'est la clé qui permet d'ouvrir la porte. Mais ce n'est pas encore l'ouverture de la porte. Il faut donc une politique de rigueur, il faut arrêter les dépenses injustifiées, il faut investir... C'est ça l'enjeu. C'est pas simplement de revenir au franc pour revenir au franc. C'est se donner une liberté de manœuvre. Marie-Françoise, excusez-moi. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquin, qui reçoit en première partie l'émission pour l'entretien politique du lundi soir et pour répondre plus précisément à la question « Faut-il rester dans l'euro ?» Nicolas Dupont-Aignan, député, maire de la ville d'Hier et auteur de l'arnaque du siècle. Et président du parti Debout la République et candidat à la présidence virtuelle, puisque c'est encore trop tôt pour le dire, à l'élection présidentielle de 2012. Donc, auteur de l'arnaque du siècle, publié aux éditions du Rocher. Et Laurent-Arthur Duplessis, journaliste, directeur des publications de Contribuables Associés. Un auditeur, contrairement à ce qui vient de nous être annoncé, la Banque de France n'a pas disparu, même s'il y a maintenant une banque européenne. Personne ne l'a annoncé. Un auditeur, il y a 10 économistes contre l'euro, il y en a plus de 1000 pour... La France et le monde ont vécu pendant des siècles avec l'étalon or, alors, point d'interrogation. Une auditrice, ce sont toujours les mêmes partis politiques qui trahissent la France. Un auditeur, êtes-vous pour une union avec Marine Le Pen ? Un auditeur, où peut-on se procurer votre livre et le faire dédicacer ? Merci. Et un auditeur, serez-vous présent à la fête de Radio Courtoisie le 19 juin, j'ajoute un message, un auditeur, c'est clair, comme l'Égypte et la Tunisie, les révolutions populaires vont mettre les politiciens de tout poil à la porte de la France. Alors, la question la plus importante, Nicolas Dupont-Aignan, vous l'avez compris, c'est serez-vous à la fête de Radio Courtoisie le 19 juin pour dédicacer votre ouvrage ? Si on m'invite, je viens. Je vous invite. Et alors, j'y serai. Et vous serez reçu par les auditeurs, les milliers d'auditeurs de Radio Courtoisie dans la courtoisie. Tous, dimanche matin. Tous ne sont pas des électeurs de Debout la République. Dimanche après-midi, je ne peux pas parce que j'ai la fête de ma ville. Ah, c'est dimanche après-midi, c'est à 14h. Dimanche 19 juin à 14h. De 14h à 19h. J'ai la fête de ma ville, mais je serai là au début. Alors, si vous pouvez être à 14h. De 14h à ? De 14h à 19h. D'accord. Je serai là au début. Bon. Et puis, on peut se procurer le livre d'abord dans toutes partout, les librairies. Partout, édition du Rocher. Et puis. Un grand éditeur. Au centre Debout la République, deboutlarépublique.fr, vous trouvez l'adresse. Où vous pouvez me l'envoyer et on vous le dédicacera. Alors, question... Sur les économistes, vous savez, ça me fait penser, Vous souvenez, j'ai vu dans des vieux journaux les publicités de médecins en blouse blanche pour le tabac, dans les journaux américains des années 60. Et puis on découvrait après que ces grands professeurs qui nous révélaient l'innocuité du tabac étaient payés par les laboratoires pharmaceutiques. Donc qu'on enlève déjà tous les économistes qui travaillent dans les banques ou qui ont des vacations dans les banques. Et puis on vient me voir. Non, mais il faut dire que le moins qu'on puisse dire, c'est que la discussion est largement ouverte. Quand on parle des économistes, ils ne sont pas tous d'accord sur le sujet. Et... Je voulais remarquer justement à l'appui de ce que vous disiez tout à l'heure que l'ostracisation de votre ouvrage reflète bien le recrutement médiatique, lui-même régi par le système de propriété des grands médias, mais pas seulement en France, hein, dans toute l'Europe, qui lui-même, ce système de propriété, est sous le sceau d'une oligopolistique de quelques grands intérêts oligarchiques et mondialistes. Et je dirais qu'à la main, qui est assez paradigmal en France de cet état d'esprit. Et effectivement, le verrouillage médiatique sur l'euro est français, mais il est aussi à l'échelle européenne et il est l'expression même de cette mondialisation. Mais il y a quand même beaucoup plus d'articles, même en Allemagne, qui profitent de l'euro. Vous avez beaucoup plus de débats dans les journaux allemands et même en Angleterre. Alors, eux, ils ne sont pas dans l'euro, donc ils ont une certaine joie à le voir s'écrouler, mais qui n'existe pas dans notre pays. Qui est le plus soviétique. Ah, c'est stupéfiant. Ouais. C'est stupéfiant. Il faudrait répondre à la question de cet auditeur qui dit « Mais au fond, l'euro est une monnaie unique, l'étalon or est une monnaie unique, l'étalon or c'était très bien, donc l'euro c'est très bien. » Que répondez-vous à cet argument ? C'est que l'étalon or n'était pas géré en fonction d'une banque centrale étrangère, extérieure à nos intérêts. On ne peut pas l'oublier. Et puis, deuxième point, il n'y a pas de liberté d'une nation sans maîtrise de sa monnaie. Et responsabilité. Alors bien sûr que ça, parfois ça peut être des catastrophes, mais comment peut-on dire on est une nation libre si on ne maîtrise pas sa monnaie ? C'est une incohérence majeure, je ne comprends pas ça. Et justement... D'ailleurs je remarque, pardonnez-moi, que l'étalon or, que c'est Nicolas Sarkozy, ministre des Finances, qui a vendu le plus gros stock d'or de la France depuis l'après-guerre. Quand il était au mauvais moment, puisque au pire mauvais moment. Il a vendu à un certain prix et quelques mois après, au pire moment, le cours de l'or s'est envolé. Oui. Ça a été. Et on voit bien comment. Quand on dit qu'il a volé, excusez-moi, parce que il faut quand même rappeler cela. Il a été ministre des Finances pendant 3 mois, je crois. Oui. Et il en a profité pour vendre, pour dire qu'il vendait l'or de la Banque de France. Et le gouverneur de la Banque de France a timidement dit, vous savez, vous n'avez aucun pouvoir en la matière. Oui. Ça n'est pas l'État qui décide, c'est la Banque de France. Mais la Banque de France l'a quand même fait. Sachant d'ailleurs que l'argent ne revenait pas au Trésor, mais qu'elle a quand même donné un dividende supplémentaire au Trésor public. Et comme la monnaie a un rôle justement éminemment politique, elle est bien l'expression de toute cette problématique. La mondialisation ne veut pas de monnaie d'État-nation, puisqu'elle ne veut pas d'autonomie politique des États-nations. Et le naufrage de la mondialisation peut justement être le renouveau des monnaies des États-nations. Elle ne veut pas d'État-nation ni de monnaie nationale parce que c'est le seul lieu de la démocratie. Qu'on m'explique un autre lieu de la démocratie que la nation. Je ne connais pas. Donc voilà pourquoi la démocratie, la nation gêne, c'est parce que c'est le seul lieu d'exercice de la démocratie. Et d'ailleurs, il y a un chapitre dans mon livre, ce qui s'appelle « Vers la dictature », qui explique comment... Monsieur Sarkozy comme Monsieur Strauss-Kahn veulent pousser à une gouvernance soi-disant européenne qui n'est que l'expression d'une nouvelle dictature. La démocratie, elle est au niveau national. Alors, comment voyez-vous le renouvellement de la vie politique française ? La présidentielle domine évidemment le combat électoral en France, mais il y a un clivage gauche-droite. Est-ce que vous envisagez de dépasser le clivage de gauche-droite ? Vous croyez qu'on peut le dépasser ? Croyez-vous qu'on peut le dépasser ? Et comment vous situez-vous par rapport aux partis, aux autres partis ? Écoutez, vous étiez à l'UMP autrefois. Oui, j'ai démissionné en 2007. Moi, je n'ai pas fait comme M. Morin et Borloo. Je n'ai pas été à la soupe pendant 3 ans pour après cracher dessus. Surtout de M. Morin. M. Morin est maintenant très critique. Oui, voilà. Bon, chacun a sa façon de procéder. Moi, j'ai démissionné avant la présidentielle, quand Nicolas Sarkozy a été investi. Je crois qu'il faut produire une alternative nationale, républicaine et sociale. Je regarde avec attention ce que fait Marine Le Pen. Je ne vais pas dire le contraire. Il y a eu une question tout à l'heure et je ne cherche pas... Répondez-y. J'ai toujours dit que j'étais très hostile, que s'il y avait eu des points d'accord, j'étais très hostile à certaines paroles de Jean-Marie Le Pen et à certaines visions des choses. J'ai l'impression que sa fille évolue, pour autant j'attends de voir ce qu'il en sera définitivement. Est-ce que c'est une apparence? Est-ce que c'est une réalité? Qu'est-ce qui se passera? Je pense qu'on est à la veille de bouleversements importants politiques. Et je crois que l'élection présidentielle de 2012 sera essentielle. J'ajoute souvent, on me dit, mais vous vous présentez, Madame Le Pen se présente. Je crois qu'on est plus complémentaires que concurrents entre nous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre parler du Front National pour plein de raisons, qui sinon ne voteraient pas Front National. Et je pense qu'ils peuvent avoir envie de se porter sur moi. En tout cas, je vois les courriers que je reçois parce que je propose une alternative nationale différente. Madame Le Pen aura sans doute beaucoup de voix. Elle a évolué, je trouve, très positivement sur beaucoup de points. Nous allons voir comment tout ça se produit. Moi, je ne veux pas insulter l'avenir, je ne sais pas encore. On verra comment tout ça se produit. Ce que je sais, c'est que le clivage ne sera plus entre la droite et la gauche. Le clivage sera entre les mondialistes et ceux qui veulent un renouveau républicain national. C'est évident. C'est évident. Et je crois, pour être très clair, que si on limitait cette alternative au seul Front National, on risquerait d'être limité, qui même en ayant plus de voix, n'emporte pas la majorité. Et que donc, il faut que toutes les bonnes volontés se battent, chacun où il est, à gauche, à droite, au centre ou ailleurs, pour faire avancer les choses. Voilà. Alors nous avons parlé de l'euro. On verra où on en sera plus tard. Nous avons parlé de l'euro et d'économie, Nicolas Dupont-Aignan, mais vous êtes candidat à la présidence de la République, oui. Donc vous avez une vision pour la France, et notamment pour la politique internationale de la France. Je voudrais que vous portiez un jugement sur les décisions récentes de la France en la matière. Par exemple, seriez-vous intervenu en Libye ? Sûrement pas comme cela. Au départ, je le dis, j'ai approuvé l'idée d'éviter le massacre des insurgés libyens. Et je ne voyais pas comment on pouvait rester sans voix face à ce qui allait se produire, c'est-à-dire face à l'utilisation de l'aviation libyenne pour en faire un vrai massacre. Un carnage. En revanche, je pense qu'il fallait se limiter à cela et qu'on ne peut pas intervenir comme ça contre un dirigeant quand son peuple le soutient. Et on le voit. Et qu'aujourd'hui, la France est dans l'impasse parce qu'elle a manqué de doigté. Et comme c'est M. Bernard-Henri Lévy qui est ministre des Affaires étrangères par intérim, on voit bien le danger de ce genre de situation. Quand Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy font la politique étrangère et mettent devant le fait accompli Alain Juppé, on peut s'interroger. C'est tout. On est allé trop loin, trop vite. Il fallait éviter le massacre ? Oui. Après, il faut être cohérent. Est-ce qu'il y a un mandat de l'ONU pour aller assassiner le colonel Kadhafi ? Est-ce que l'OTAN a les moyens d'aller au sol ? Non. Donc dans la vie, je trouve qu'il vaut mieux réfléchir avant d'agir. Je dois être un peu simplet. C'est-à-dire que quand le président de la République a décidé d'aller dans cette guerre, il fallait soit qu'il y mette les moyens, qu'il aille au sol, il ne peut pas le faire seul. Les autres ne veulent pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il fallait peut-être mieux réfléchir avant d'agir, mais c'est M. BHL, comme on dit à Saint-Germain-des-Prés, qui dirige. Mais alors, pourquoi ne pas appliquer le droit d'ingérence à la Syrie, par exemple ? Mais bien sûr, c'est absurde. Le problème de fond, c'est qu'on pouvait, à mon avis, agir comme on a agi avec la résolution de l'ONU, et Alain Juppé avait bien joué. Résolution de l'UNE, fermeté pour éviter un massacre, point. Et puis après, il fallait laisser le peuple libyen. On ne peut pas intervenir et s'ingérer dans tous les conflits. Alors l'armée française est intervenue une fois de plus dans le cadre de l'OTAN, sous l'autorité de l'OTAN. Vous savez que M. Sarkozy, je le rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, que le général de Gaulle avait fait sortir la France de l'OTAN, et c'est-à-dire du commandement américain, et que M. Sarkozy a achevé un processus qui avait été commencé sous Giscard d'Estaing, et donc il a fait réintégrer la France dans l'OTAN. Je propose la sortie. Si vous êtes président de la République, que ferez-vous ? La sortie. Donc la France retirera son armée de l'OTAN. Mais bien sûr, la France peut rester membre du traité de l'Atlantique Nord, mais elle doit être toujours indépendante. Vous n'êtes libre que quand vous êtes indépendant. Et ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec les autres. Je veux revenir à certains principes. L'indépendance, d'ailleurs, dans notre vie personnelle, nous pouvons être associés parce que nous restons libres. Attendez, mais pourquoi n'allez-vous pas jusqu'au bout, Nicolas Dupont-Aignan ? Le traité de l'Atlantique Nord, dont l'OTAN est l'expression organisationnelle, a été créé pour arrêter l'offensive communiste soviétique. Aujourd'hui, il n'y a plus d'offensive communiste soviétique. Pourquoi rester dans ce traité ? Je pense qu'il faut aller plus loin. Mais déjà, dans un premier temps, que l'on reprenne notre liberté militaire totale. Et puis après, on peut renégocier le traité de l'Atlantique Nord, on peut voir ce qui se passe. Moi, j'essaye d'être clair. Premier temps, prudent. On redonne notre indépendance aux forces armées. Point. On doit compter sur nos propres forces. C'est ça qui fait notre liberté et qui fait notre force vis-à-vis des autres pays du monde. Alors, vous savez que l'Union européenne est devenue supranationale, que la jurisprudence européenne et française, bénie par le Conseil constitutionnel, a fini par assujettir le droit français au droit européen et au droit international. Vous qui êtes, on dit souverainiste, vous qui voulez défendre la souveraineté de la France, qu'envisagez-vous de faire pour que le droit français, la loi française, ne soit plus subordonnée au droit international ou au droit européen ? Le retour au droit national. Dénoncer les traités européens et renégocier et refonder l'Europe. Il n'y a pas d'autre issue. Nous devons reprendre notre liberté sur le plan juridique, sur le plan monétaire, sur la question des frontières. C'est tout. C'est très simple. Schengen, restez-vous dans Schengen ? Bien sûr que non. Vous rétablissez les frontières. Bien, le premier jour. Il faut dénoncer l'ensemble des traités européens et refonder l'Europe sur des bases claires. Une association d'États libres qui travaillent ensemble autour de projets et à géométrie variable. Marie-Françoise. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquin qui reçoit en première partie l'émission pour l'entretien politique du lundi soir. Et pour répondre à la question « Faut-il rester dans l'euro ?», Nicolas Dupont-Aignan, député, maire de la ville d'hier, président du parti politique Debout la République et candidat à la présidentielle 2012, ainsi que Laurent Arthur Duplessis, journaliste, directeur des publications de Contribuables Associés. Alors, Nicolas Dupont-Aignan a répondu à la question « Faut-il rester dans l'euro ?». Il a répondu par « Non ». Bien sûr. Je ne me trompe pas. Dans l'OTAN, vous le disiez. Et dans l'euro également. La question du sujet principal de l'émission. Alors, et vous avez Nicolas Dupont-Aignan, développé l'argumentation dans votre livre « L'arnaque du siècle, l'euro, les banquiers et la mondialisation », édition du Rocher, où vous dites beaucoup de mal de la banque et des banquiers. Non, je propose aussi des choses. Et vous proposez... Ce n'est pas simplement un livre de critique, c'est un livre de proposition. Bien sûr. Vous proposez de sortir de l'euro et de rétablir la monnaie nationale. Au service d'une autre politique, industrielle, agricole, c'est important. Un auditeur, la prétendue vigueur nataliste française est due aux naissances extra-européennes, notamment africaines. Un auditeur, vous nous dites que la contribution française à l'Europe est de 20%. Quelle est la part de l'Allemagne ? En quoi l'Allemagne est-elle gagnante si elle porte le reste de l'Europe sur son dos ? Merci. Une auditrice, quand il se découvre un faux billet en euros, on le remet à la Banque de France. Que devient-il ensuite ? Un auditeur, la suppression de l'euro entraîne une augmentation des taux d'intérêt considérable et vu la dette française, c'est la faillite. Que fait-on ? Un auditeur, est-il vrai qu'au jour d'aujourd'hui, non content d'être au fond du gouffre de la dette, on continue à creuser avec plus de frénésie ? Un auditeur, au lieu d'une monnaie unique, aurait-on pu faire une monnaie commune comme le denier d'argent au Moyen-Âge que l'on aurait pu appeler écu ? Très cordialement. Un auditeur, une société américaine est chargée de récupérer toutes les données bancaires de tous les pays européens, la société SWIFT. Les Américains connaissent aussi tous les éléments bancaires de leurs sous-traitants européens. Ce contrôle est officialisé par le Parlement européen qui autorise cette société à récupérer pour contrôle les données bancaires européennes, ceci depuis le 1er août 2010 avec la bénédiction de M. Barroso. Alors arrêtez-vous là, malheureusement, je suis désolé pour les auditeurs qui n'entendront pas leurs questions posées parce que nous n'avons que quelques minutes pour répondre aux questions. Nicolas Dupont-Aignan, Laurent Arthur Duplessis. Il y a beaucoup de questions. La dette augmente si on sort de l'euro, non. Ce qui, aujourd'hui, fait augmenter la dette, c'est bien la croissance lente. C'est bien l'asphyxie de notre économie. Il faut bien comprendre ça. S'il n'y a pas de production en France, il y a une dette qui explose. C'est l'exemple de la Grèce, on le voit très bien. Sur les taux d'intérêt, non. Les taux d'intérêt augmentent parce que nous sommes prisonniers des marchés financiers, parce que nous ne savons pas équilibrer notre budget. Je propose la sortie de l'euro pour relancer l'activité, pour avoir un budget sain et investir dans l'avenir. Et c'est comme ça que nous pourrons être une nation prospère. C'est essentiel. Enfin, monnaie commune, c'est la très bonne remarque de l'auditeur. C'est ce qu'avait proposé d'ailleurs Édouard Balladur. Une monnaie commune, instrument de réserve, n'était pas gênant. On permettait à la rigueur de coordonner, de préparer. Mais la monnaie unique n'a pas de sens, c'est tout. À quoi ça sert une monnaie commune ? La monnaie commune, ça permettait des échanges interbancaires, ça permettait de faire un instrument de réserve au niveau mondial, et c'était pas méchant, et ça ne gênait en rien. L'instrument de réserve, il existe, c'est l'or. Tout à fait. Et puis, j'ai oublié les deux autres questions, une question sur l'Allemagne, mais je ne me souviens plus laquelle. Voilà, vous m'en pardonnerez. Pourquoi l'Allemagne tire-t-elle avantage? Ah oui, l'Allemagne, parce que l'Allemagne... C'est un fardeau, l'Europe est pour un fardeau. L'Allemagne avant était concurrencée par tous les pays d'Europe qui refusaient la surévaluation de leur monnaie. L'Allemagne surévaluait sa monnaie, et donc il y avait un équilibre du commerce extérieur entre la France et l'Allemagne. Tandis que là, comme la France ne peut pas dévaluer, plutôt comme l'Allemagne ne réévalue plus, elle vend ses produits, et plus elle vend ses produits, plus les entreprises ferment dans notre pays. Voilà, il suffit de continuer encore comme ça 10 ans, et nous serons une nation d'esclaves, de clochards. Il vaut mieux réagir vite. De toute façon, les Français vont réagir, parce qu'à partir du moment où l'appauvrissement arrive, croyez-moi, il va y avoir une réaction, et je le souhaite. Alors, il nous reste une minute, je voudrais que vous concluiez sur le message que vous avez à dire aux Français en général et aux éditeurs de Radio Courtoisie en particulier. Le seul message que j'ai à dire, c'est que je refuse la résignation et le défaitisme. Il y a une autre politique possible. Et ce qui est le plus effrayant aujourd'hui dans notre pays, c'est à la fois la lucidité de nos concitoyens sur l'échec des gouvernements successifs, qu'ils soient du PS et de l'UMP, et en même temps leur incapacité totale, parce qu'on ne leur présente pas d'offres, à imaginer qu'on puisse faire autre chose. Et le seul message que j'ai envie de transmettre aux Français, c'est qu'on n'est pas condamné. Notre pays a des atouts, contrairement à ce qu'on croit. Premier pays touristique mondial, démographie, inventivité, science, secteur d'avenir, productivité. On a des atouts. Simplement, on ne les joue pas. On est dépendant mentalement de l'extérieur. Et il faut renouer ce que Marie-France Garraud dit dans son très beau livre « Imposture politique », avec la volonté de vouloir. Un malade ne guérit pas contre la maladie s'il pense qu'il est foutu. Et c'est ça qui est terrible dans notre pays. Et aussi, il faut quand même le dire, dans notre électorat, et chez beaucoup de gens de droite, qui ont une sorte de défaitisme. Ah, on ne peut rien faire, on n'y arrivera jamais. Eh bien si. Peut-on Sinon, dire, notre pays va mourir. Moi, je ne souhaite pas voir la France mourir. Peut-on dire, on n'a pas le choix. Il faut se battre. Peut-on dire, cher Nicolas Dupont-Aignan, que vous voulez incarner la politique de la résistance française? De la libération nationale. Voilà, de la libération nationale. Donc un combat de libération. La France n'est pas libre. Nous entamons un combat de libération. C'est clair. Bien. Eh bien, écoutez, je vous quitte et nous vous quittons. C'est moi qui vous quitte. Sur ce mot, plutôt. Oui, nous continuons à l'antenne, évidemment. Nicolas Dupont-Aignan, vous avez écrit « L'euro, les banquiers, la mondialisation, l'arnaque du siècle ». Vous serez là, aux éditions du Rocher, pardon. Vous serez là au début de la fête de la courtoisie du 19 juin pour dédicacer cet ouvrage. Au tout début. Nous recevrons avec toute la courtoisie qui sied à cette affaire. Merci Nicolas Dupont-Aignan, merci Laurent Duplessis, mais vous restez avec nous pour la seconde partie. Rendez-vous dans une minute pour le rendez-vous politique de la réinformation.